petit sourire pour faire tout comprendre. Des mots parés pour nous engager là-dedans. Pour que ça tout pas j'en ai parlé. Quitte, pas j'en ai télé avoué. Moi la scouille et moi la Satan. C'est là où l'air pour nous concrétiser. Assez pas l'air, fini trois paroles. On chaparre, c'est vous moins qu'à attendre. Mais dig it out.